Le mot chinois pour maintenant se dit 现在. Deux fois le doigt noir vers le sol. 现在 pour dire maintenant. Littéralement, cela veut dire maintenant se trouver. Le 在 veut dire se trouver. Se trouver quelque part. Et 现 veut dire maintenant. 现在. Deux doigts noirs pointés vers le sol à la suite. Ma mère méditait tous les matins. Elle disait qu'elle voulait vivre dans l'ici et maintenant. Et maintenant, 现在. Elle habite à Sienne, en Italie, alors qu'elle est originaire du Zaïre. Donc, comment dites-vous maintenant ? 现在. 现在. Il se compose de deux mots, dont le premier est 现. Comment dites-vous le premier mot ? 现. Et le deuxième mot, c'est 在. En pinyin, la transcription phonétique, il s'écrit Z-A-I. 在. Et comment est-ce que vous prononcez ça ? 在. Comment dites-vous maintenant ? 现在. 现在. Il est très occupé maintenant. Nous allons mettre le maintenant après la personne qui fait l'action. Et j'expliquerai pourquoi plus tard. Dites d'abord il. Ta. Maintenant. 现在. Très. 很. Occupé. 忙. Il est très occupé maintenant. 他现在. Et maintenant, dites-moi, pourquoi est-il occupé ? Pourquoi ? Il. Ta. Le mot vide. Hen. Occupé. Mang. Pourquoi est-il occupé ? Ta. Hen. Mang. Et maintenant, comment dira-t-on « Il va bien maintenant ?» Il. Ta. Maintenant. 现在. Le mot vide. 很. Bien, bon. 好. Il va bien maintenant. 他现在很好. Comment dira-t-on « Vont-elles bien maintenant ?» Dites d'abord « elles » au pluriel. « 他们. » Maintenant. « 现在. » Vont bien. « 好. » Interrogatif. « 妈. » Vont-elles bien maintenant ?« 他们. » 现在. Et maintenant, on va dire « Pourquoi es-tu très occupé maintenant ? Pourquoi ?» Oui, somme. Tu. Ni. Maintenant. 现在. Très occupé. 很忙. Pourquoi es-tu très occupé maintenant ? 为什么你现在很忙? Comment dira-t-on? Ils ne sont pas très occupés maintenant, mais ils vont bien. Dites d'abord « ils » au pluriel. 他们. Maintenant. 现在. Ne pas. 不. Très. 很. Occupé. Mon. Mais. Que. Si. Ils vont bien. Ils. Ta. Men. Le mot vide. Hen. Bien. Hao. Ils ne sont pas très occupés maintenant, mais ils vont bien. Ta. Men. Sien. Zai. Bou. Hen. Mang. 可是, 他们很好。 Alors dites-moi, lui et moi allons tous deux bien maintenant. Alors, il ou lui. Ta et. He. Je ou moi. Wo. Maintenant. Xiànzài. Tous ou tous les deux. Do. Le mot vide suivi de bien. Hen hǎo. Lui et moi allons tous deux bien maintenant. Ta he wo xiànzài dou hen hǎo.